La conversation scientifique par Étienne Klein. Aujourd'hui, les neutrinos ou l'art de défier les conventions. Les neutrinos sont des particules de matière, les seules connues qui soient à la fois élémentaires, c'est-à-dire sans structure interne, et électriquement neutres. Ce sont des sortes d'anges microscopiques. Ils se propagent dans l'espace avec une absolue discrétion, en traversant les choses qui sont sur leur passage, pratiquement comme si ces choses n'existaient pas. Êtres fantomatiques et originaux, ils n'interagissent presque pas avec la matière, au point que des centaines de milliards de neutrinos en provenant du Soleil peuvent traverser notre corps à chaque seconde, sans que nous en rendions compte, de jour comme de nuit. Aussi énigmatiques que discrets, les neutrinos sont devenus l'un des principaux enjeux de la recherche en physique des particules, mais aussi en cosmologie. On compte sur ces messagers du cosmos pour résoudre certaines questions qui demeurent brûlantes. Par exemple, on ne comprend pas bien d'où vient que la matière a pu l'emporter sur l'antimatière dès les premières phases de l'univers. Alors que les deux étaient également présentes dans l'univers primordial, la seconde, l'antimatière, a très vite disparu, laissant la première, la matière, seule au monde. Or, on sait que si les neutrinos s'avéraient être identiques à leurs propres antiparticules, question qui demeure ouverte, alors on pourrait mieux comprendre comment les choses ont pu se passer dans le chaudron qu'était l'univers peu après le Big Bang. Mais les neutrinos, c'est tout un monde avec de nombreuses autres questions que nous allons explorer dans notre conversation scientifique avec nos deux invités qui sont Antoine Kouchner et Stéphane Lavignac. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour Antoine Kouchner, vous êtes professeur à l'université Paris Diderot et directeur du laboratoire Astroparticules et Cosmologie. Vos recherches portent sur les neutrinos évidemment. Et vous, Stéphane Lavignac, vous êtes physicien au CNRS, vous effectuez vos recherches à l'Institut de physique théorique de Saclay, et vos travaux portent aussi bien sur la physique des particules que sur la cosmologie. Alors comment est-ce qu'on fait pour écrire ce livre que vous venez de publier, qui s'appelle « À la recherche de neutrinos », que vous avez co-signé? Comment est-ce qu'on fait pour écrire un livre à deux? On se répartit les tâches ou on écrit vraiment ensemble? Non, on se répartit un petit peu les tâches. Et puis après, on relit ensemble et on corrige les phrases ensemble. Donc en fait, à la fin, on le réécrit ensemble, mais on a une première écriture séparée. Après, quand même, une discussion préliminaire, et y compris donc des discussions sur le sujet même qui est abordé dans le livre. On a rediscuté l'interprétation de certaines expériences, par exemple, avant que chacun, effectivement, écrive sa partie après une relecture commune. Est-ce que vous serez d'accord avec moi pour dire qu'on ne peut pas parler des neutrinos sans parler d'histoire de la physique? Depuis quand est-ce qu'on parle de neutrinos et comment cette particule étrange, originale, peu conventionnelle est apparue dans le champ de la physique? C'est vrai qu'on a envie de parler d'histoire de la physique quand on parle des neutrinos, parce que l'histoire des neutrinos est quand même très singulière, regorge d'anecdotes, elle s'étale sur de nombreuses années. Et bon, ça c'est une des caractéristiques les plus importantes. Elle requiert beaucoup de patience de la part des théoriciens comme des expérimentateurs. On aura l'occasion de le redire. Mais c'est vrai que du coup, on avait envie, en retraçant les enjeux scientifiques des neutrinos, aussi de parler de l'histoire, parce que la façon dont on les a mis en évidence, dont on les a pensés, est assez caractéristique des expériences telles qu'elles sont conçues encore aujourd'hui. En fait, les neutrinos ont été détectés 25 ans après avoir été prédits d'un point de vue théorique. Oui, c'est ça. Donc, c'est le physicien autrichien Wolfgang Pauli qui a introduit les neutrinos, qui a proposé l'hypothèse du neutrino pour expliquer un mystère qu'on ne comprenait pas bien, qui était le spectre du rayonnement bêta, donc la désintégration bêta. C'est un processus dans lequel un noyau se transforme en un autre noyau et émet un électron qu'on appelle rayonnement bêta. Et en vertu du principe de conservation de l'énergie, l'énergie de l'état initial doit être égale à l'énergie de l'état final, l'électron devra emporter une énergie fixée égale à la différence entre les énergies des deux noyaux. Et expérimentalement, on observait que ce n'était pas le cas et que l'énergie des électrons émis pouvait varier. Ça, c'est les années 20. Alors, j'imagine que mesurer l'énergie d'un électron avec une grande précision dans ces années-là, ce n'était pas très simple. Ce n'était pas très simple, à tel point que toutes les expériences n'étaient pas d'accord entre elles. C'est-à-dire que certaines expériences avaient trouvé ce qu'on appelle un spectre discret, c'est-à-dire que l'électron avait toujours la même énergie. Ce qui était attendu. Ce qui était attendu, peut-être que c'était un artefact que les physiciens ont trouvé ce qu'ils s'attendaient à trouver, peut-être qu'ils ont été influencés par ce qu'ils s'attendaient à trouver. Et donc, il y avait effectivement un problème. Certains commençaient à se demander s'il ne fallait pas renoncer au principe de la conservation de l'énergie. Qui est un principe fondamental. Qui est un principe absolument fondamental en physique. Alors, certains disaient que peut-être l'énergie n'était conservée qu'en moyenne, et non pas processus par processus. Et Pauli, lui, qui tenait à la conservation de l'énergie, a proposé qu'en fait une autre particule soit émise en même temps que l'électron, une particule neutre, de telle sorte que la différence d'énergie de deux noyaux était partagée entre l'électron et cette nouvelle particule, qu'il a appelée d'abord neutron. Donc c'était en 1930, on n'avait pas encore observé le neutron. Le vrai neutron. Qui n'a été découvert qu'en 1932. Et une fois que le neutron a été découvert, a été rebaptisé neutrino par Fermi. Un italien. Donc c'est un nom italien. C'est un nom italien. On peut traduire par le petit du neutron. C'est-à-dire qu'on a compris qu'en fait, cette désintégration bêta dont vous parlez, c'est un neutron qui devient un proton. Voilà. Avec émission d'un électron et de ce fameux neutrino. Voilà. Le petit du neutron. Oui, ou petit neutre parce qu'il est petit, sa masse est très faible. C'est une autre caractéristique des neutrinos. Donc ça nous situe en 1932, 33. La proposition de Pauli date de 1930. Ça c'est la fameuse lettre parce qu'il n'a pas écrit un article en bonne et due forme. Il a écrit une petite lettre assez curieuse. Il a écrit une petite que lettre que vous citez dans votre livre. Voilà, parce que sans doute il n'était pas tout à fait sûr de son hypothèse. Donc il était empêché de se rendre à une conférence à Tübingen par une affaire plus importante, un bal auquel il était invité. Et il a écrit une lettre qui a été lue par une physicienne allemande, Lise Meitner, à cette conférence. Il a écrit à ses chers amis radioactifs, c'est comme ça qu'il les appelait, dans lesquels il propose du bout des lèvres l'hypothèse du neutrino. À l'époque, on n'osait pas postuler l'existence d'une particule avant de l'avoir observée. C'était le premier. Mais les mœurs ont changé depuis. Les mœurs ont changé. Dès qu'on a un phénomène qu'on ne sait pas expliquer, on n'hésite plus à introduire une particule, voire d'autres. Et comment est-ce que ça a été reçu alors par les physiciens? Plutôt mal. Ceux qui étaient rassemblés en colloque à Tübingen pour discuter de ce problème de la radioactivité bêta, recevant la lettre de Pauli, on dit, c'est pas sérieux. Oui et non, bon, c'est vrai que... Antoine Kouchner. Pauli, il a évoqué un remède désespéré. Et puis, c'est vrai que c'était une lettre et qu'il n'a osé écrire les choses plus sérieusement dans des comptes rendus de conférences que 3 ans plus tard. Donc, c'est à se demander si lui-même était convaincu ou pas de... Il a quand même fait une tournée aux États-Unis pour essayer de convaincre de l'autre côté de l'Atlantique, sans beaucoup de succès. C'est vraiment la rencontre avec Fermi. Voilà, j'allais dire que l'hypothèse a été prise au sérieux par Fermi lui-même, et puis intégrée dans une théorie. Oui, tout à fait. C'est Fermi qui a écrit la théorie de la désintégration bêta, qui implique le neutrino. Et cette théorie étant établie, il était possible de faire des calculs, notamment le calcul de la probabilité d'interaction d'un neutrino avec la matière. Avec les protons, les neutrons, et d'estimer donc la difficulté qu'il y aurait à détecter le neutrino. Le premier calcul n'était pas encourageant, et ça indiquait que ce serait vraiment très difficile. Donc c'est une particule qu'on ne peut pas détecter, en tout cas c'est ce qu'on pense à l'époque. Elle est tellement peu interagissante avec les objets qu'elle traverse, qu'aucun détecteur ne peut la capter. C'est l'hypothèse du départ, parce qu'effectivement, elle, on ne la voit pas. Donc il faut que le modèle s'accommode de l'idée qu'elle... Mais alors comment est-ce qu'on se représente le neutrino? Il est neutre, il a une masse nulle, alors, c'est ce qu'on pensait à l'époque. C'est ce qu'on pensait, ou du moins on pensait qu'il y avait une masse très petite. Bon, ça on pouvait même, à partir des mesures qu'on faisait de l'énergie des électrons, en déduire qu'il devait avoir une masse beaucoup plus petite que celle de l'électron. L'idée qu'il avait une masse nulle est venue un peu plus tard, je pense, et en lien aussi avec le développement de la théorie des interactions faibles. Donc l'interaction faible est celle qui est responsable notamment de la désintégration bêta, enfin, d'un certain nombre d'ailleurs de réactions nucléaires. Et lorsque cette théorie a été construite, donc après la Deuxième Guerre mondiale, la théorie de Fermi, c'était déjà un peu une première théorie des interactions faibles, mais disons une théorie un peu plus fondamentale. On l'a construite après la Deuxième Guerre mondiale, on a vu que cette théorie tenait très bien sur ses jambes, sans introduire de masse pour le neutrino. Et comme on n'avait aucune mesure expérimentale qui suggérait qu'ils pouvaient être massifs, il était naturel de supposer qu'ils étaient de masse nulle. Alors on reviendra plus tard à la question de la masse des neutrinos, mais comment est-ce qu'on a pu détecter finalement, dans les années 50, en 1954, pour la première fois, des neutrinos ? En 1956, oui. Les développements de Fermi étaient cruciaux, parce qu'ils ont permis d'indiquer que le neutrino s'échappait de la désintégration bêta, mais par différentes façons de lire cette interaction, on pouvait espérer quand même que le neutrino interagisse et laisse une trace de son passage dans des détecteurs. Donc il a fallu effectivement à peu près un quart de siècle de développement expérimentaux pour en arriver là, et c'est parce que les neutrinos interagissent très très faiblement qu'on a compris qu'il fallait se mettre auprès d'une source extrêmement intense pour pallier cette difficulté. Et c'est grâce aux réacteurs nucléaires en particulier qu'il a été possible de mettre des détecteurs proches de cette source très intense. Donc ça a été des premières étapes franchies. C'est vrai qu'en 1954, il y a eu une première expérience. Donc elles étaient menées par Rhines et Cowan aux États-Unis pour essayer de les détecter en se disant, voilà, si on se met proche de la source, certains de ces neutrinos issus des désintégrations bêta vont pouvoir interagir, se transformer ou plutôt produire une particule qui va laisser une trace dans un détecteur par des processus secondaires. Simplement, il y a toujours des bruits de fond dans les expériences de physique des particules. Des parasites. Des parasites, oui, alors qui peuvent provenir de l'atmosphère et des particules qui sont créées dans l'atmosphère. On aura l'occasion d'en reparler. Et du coup, ils ont voulu se mettre un petit peu plus en profondeur, se protéger et avoir ce qu'on appelle dans notre jargon un rapport entre le signal et le bruit, le parasite, suffisamment clair pour dire on a détecté le neutrino. Donc ça s'est fait en 1956. Et effectivement, alors à l'époque, c'est drôle d'ailleurs de rappeler que lorsque ils ont détecté les neutrinos, ils ont envoyé un télégramme à Pauli pour le lui dire. Donc c'était des méthodes de communication un petit peu différente, et voilà, pour non seulement dire que le neutrino avait été détecté, mais qu'en plus une mesure de sa probabilité d'interaction avait été faite et qui était conforme aux prédictions de Fermi. Et quand même un quart de siècle d'effort. Mais Pauli a répondu à ce télégramme en disant tout vient à point, à qui sait attendre. Voilà, c'est exactement la leçon qu'il faut retenir, c'est ce que je me dis à chaque fois que j'attends. France Culture. La conversation scientifique par Étienne Klein. Alors, donc depuis 1956, on est sûr que cette particule existe, sa charge électrique est nulle, il traverse la matière mais interagit quand même un petit peu avec elle, et sa masse est sinon nulle, du moins très faible par rapport aux masses des particules que nous connaissons. Mais j'ai lu votre livre et je sais que on sait aujourd'hui qu'il y a plusieurs sortes de neutrinos, il y a plusieurs familles. Combien au total ? Qui veut répondre ? Moi, je veux bien répondre, en tout cas essayer. Il y a trois familles. Puisqu'on parlait de la détection des neutrinos, on peut effectivement dire que les neutrinos qui sont issus de la désintégration bêta, donc ceux qui ont été découverts en premier, c'est les neutrinos qui sont associés à l'électron de la désintégration bêta, et on les appelle les neutrinos électroniques. Et effectivement, ce qui s'est produit au cours de ces années-là, c'est qu'il y a eu un certain nombre d'indications qu'il fallait peut-être respecter des règles de la physique des particules qui indiquaient que certaines particules pouvaient rechigner à se désintégrer, par exemple, dans certains canaux qui étaient autorisés du point de vue cinématique, c'est-à-dire du point de vue de la conservation des grandeurs physiques. Et donc, on s'est dit, on dirait qu'il faut respecter ce qu'on a appelé une certaine, enfin pour le dire grosso modo, saveur. Et donc peut-être des neutrinos seraient associés à d'autres particules qui existaient, comme des électrons, mais plus massifs, par exemple les muons, qui sont des particules qui sont plus massives et donc qui vont se désintégrer en électrons. Et donc on les appellerait les neutrinos muoniques. Il y a un troisième lepton, encore plus massif que le muon, qu'on appelle le tau, et donc c'est la troisième famille, et on associe un neutrino à cette famille également. Donc ça fait trois familles de neutrinos, neutrino électronique, muonique et toïque. Et ils ont tous été détectés depuis, mais il a fallu attendre les années 60 pour détecter le neutrino muonique en créant un faisceau de neutrinos muoniques à travers la désintégration des pions et des muons associés. Et puis, on a attendu jusque l'année 2000 pour observer les neutrinos toïques, ceux qui sont associés au lepton tau. Mais il me semble que vous avez raison, l'un et l'autre, de travailler sur les neutrinos. C'est la particule qui a reçu jusqu'à maintenant le plus grand nombre de prix Nobel. Oui, il y en a eu combien au total ? Un certain nombre. Alors, si on essaie de tous les compter, il y a eu, Antoine me corrigera si je me trompe, mais il y a eu le prix Nobel pour la découverte du neutrino muonique. C'est une expérience menée à Brookhaven aux États-Unis en 1962. Il y a eu un prix Nobel pour la désintégration du neutrino électronique, qui est le premier. Ce prix Nobel est venu plus tard, bizarrement, alors que la découverte du neutrino électronique, c'est 1956. Il a été donné à Cowan, à Rennes plutôt. Oui, puisque Cowan était mort. Décédé. La raison, semble-t-il, encore une fois, Antoine me corrigera. On l'obtient pas à titre posthume, je crois, le prix Nobel. Antoine me corrigera si je me trompe, mais la raison, c'est que au départ, quand Reins et Cowan ont annoncé la découverte du neutrino électronique, ils ont été un petit peu vite en besogne, et ils n'avaient pas autant de statistiques qu'il aurait été nécessaire pour. Il y avait des doutes en fait sur ce qu'ils avaient réellement observé. Donc ça explique que le prix Nobel soit arrivé un peu plus tard pour Reins et Cowan. Un autre prix Nobel est celui de 2004 pour l'astronomie des neutrinos. On a récompensé deux types de découvertes. La découverte de ce qu'on a appelé le déficit des neutrinos solaires. Donc On va y revenir tout à l'heure. Les neutrinos sont produits comme on l'a dit précédemment, dans un certain nombre de réactions nucléaires, et en particulier dans les réactions de fusion de l'hydrogène en hélium, dont les étoiles tirent leur énergie, les étoiles comme le Soleil, et elles émettent donc des neutrinos de type électronique. Et une expérience menée dès la fin des années 60 et qui s'est poursuivi jusque dans les années 90, observait moins de neutrinos électroniques que les modèles solaires n'en prédisaient. On a su ensuite que c'était dû à un phénomène dont on parlera tout à l'heure qui s'appelle les oscillations. Et le pionnier de cette expérience, l'américain Ray Davies, a été récompensé donc du prix Nobel. Qui était lui aussi un homme patient. Qui est un homme très patient, oui, puisqu'il a... son expérience a commencé à la fin des années 60 et... il y a eu beaucoup de doutes qui ont entouré ces premiers résultats. Et la deuxième découverte qu'a couronné ce prix Nobel est celle des neutrinos de supernova. Donc les supernovas sont des étoiles à la fin, disons, de leur évolution, qui finissent par produire une implosion et une onde de choc qui libère en particulier une grande quantité de neutrinos. Et ces neutrinos, donc de la supernova 1987A, qu'on appelle ainsi puisqu'on l'a observé en 1987, ont été découverts par des détecteurs de neutrinos. Et puis il y en a encore un de prix Nobel, c'est celui de 2015, attribué à Arthur MacDonald et Takati Kajita, qui ont démontré que les neutrinos, en fait, ont une masse non nulle. On y reviendra là aussi. Mais peut-être que c'est le moment d'écouter un peu de musique, non ? On va passer le morceau qui a été choisi par Antoine Kouchner, « In the Morning ». In the morning, when the moon is at its rest, you will find me at the time I love the best, watching rainbows play on sunlight, pools of water, ice cream, cold nights in the morning. Can't you imagine it? It's the morning of my life, yeah. in the daytime. I will meet you as before. You will find me waiting by the ocean floor, building castles in the shifting sands, in a world nobody understands. In the morning, 'tis the morning of my life, 'tis the morning of my life. In the morning, oh, my life, the minutes take so long to drift away. With your life, it's only morning and you've still to live your day. In the evening, I will fly you to the moon, to the top right hand corner of the ceiling in my room, and there we'll stay till the sun shines another day. Lay on clotheslines and I'll be yawning. 'Tis the morning of my life, the morning of my life. It's the morning of my life. Antoine Kouchner, In the Morning de Nina Simone. Pourquoi ce choix? C'est un rapport avec les neutrinos? Pas vraiment, mais on peut y réfléchir un petit peu et trouver des rapports, sans doute. J'ai entendu dans la chanson qu'une recommandation était faite d'être patient, donc ça, on en a déjà parlé. Mais c'est plutôt optimiste, il me semble, comme chanson. C'est pas toujours le cas, mais donc... Alors, juste avant de passer ce magnifique morceau de musique, on a parlé d'un phénomène qui a marqué... les années 80, l'explosion d'une étoile en 1987, qui nous a appris beaucoup de choses sur les neutrinos. Alors, qu'est-ce qui s'est passé exactement et qu'est-ce qu'on a compris grâce à cette étoile arrivée en fin de vie qui, on dit qu'elle s'est éteinte, mais en réalité, quand une étoile comme celle-là s'éteint, ça fait beaucoup de lumière. Oui, tout à fait. C'est vraiment un événement remarquable à bien des aspects. C'est ce qui ouvre souvent, c'est ce qu'on dit être le premier événement marquant de l'astronomie qu'on appelle aujourd'hui multimessager ou multimessagère, c'est-à-dire l'astronomie qui essaye d'utiliser autre chose que les photons, le spectre électromagnétique, pour regarder le ciel. On aura certainement l'occasion d'en reparler parce que c'est ce qu'on essaye de faire avec les télescopes à neutrinos aujourd'hui, mais c'est vraiment cet événement de départ, alors qui n'était pas préparé, on ne s'y attendait pas. Certains détecteurs étaient en marche. Ils avaient pour but essentiellement de regarder les neutrinos du Soleil, ce qui est déjà aussi la même approche, essayer de regarder le Soleil avec d'autres types de sondes que le spectre électromagnétique. Et puis voilà, 23 février, on apprend qu'il y a une supernova qui est observée dans le ciel. Donc là, avec la lumière qu'effectivement elle est émise et qu'on peut même voir à l'œil nu. Et les gens qui travaillent sur les neutrinos regardent dans les données de leur détecteur et essayent de voir s'il n'y a pas effectivement un événement particulier qui se serait produit. Et c'est ce qu'on remarque. Certains détecteurs ont réussi à mettre en évidence quelques poignées de neutrinos supplémentaires. Quand on parle de physique des neutrinos, on parle d'un nombre très faible d'événements qui sont détectés. On l'a déjà dit. Oui, parce que cet événement a émis 10 puissance 58 neutrinos. Voilà, et on en a détecté une vingtaine. Il y en a 20 qui seulement ont été détectés sur Terre, donc il y a quand même de la perte en ligne. Voilà, ce sont des chiffres assez typiques de ce qu'on peut détecter avec les détecteurs de neutrinos. Mais ça a quand même eu un retentissement exceptionnel, non seulement sur le moment... puisque assez vite la nouvelle s'est répandue qu'on venait de détecter une source extraterrestre et plus loin que le système solaire. Donc là, on parle du grand nuage de Magellan, 170 Donc d'une autre galaxie que la nôtre. Voilà. Donc c'était la première fois qu'on voyait une source aussi éloignée de neutrinos. Alors l'énergie de ces neutrinos, c'est l'ordre d'une dizaine de MeV. Donc c'est une énergie qui est assez proche de celle des neutrinos du Soleil. Donc les détecteurs qui étaient faits pour détecter des neutrinos solaires étaient capables de les voir, avec différentes façons néanmoins. Mais l'ensemble de ces détecteurs ont rapporté donc une observation cohérente dans le temps, sans directionnalité pour autant. On ne savait pas forcément que ça venait de cette direction-là, mais compte tenu de la coïncidence temporelle, on pouvait en déduire que c'était bien de cette supernova que venaient les neutrinos. Et là, ça a permis de corroborer tout le mécanisme de la mort des étoiles, le rôle des neutrinos pour la libération de l'énergie. On pense qu'il n'y aurait pas d'explosion sans les neutrinos dans cet scénario de fin de vie. Et il y a eu des centaines et des centaines, et il y en a encore, de publications sur cette supernova. Il faut dire qu'il n'y en a pas eu d'autres depuis. On l'attend. Et que, pour l'anecdote, à chaque fois que on fait une expérience et qu'on est en train d'arrêter la prise de données, on croise les doigts pour que la prochaine supernova ne se produise pas à ce moment-là. Si le détecteur est en réparation ou en phase d'étalonnage, voilà, c'est nécessaire, on rate l'événement. Donc, mais le fait que les neutrinos émis par cette étoile en fin de vie soient arrivés avant les photons, ça indique des choses aussi. Ça indique des choses, oui. Alors en plus, c'est compliqué à comprendre parce qu'il y a eu une polémique il y a un certain temps sur la vitesse des neutrinos, je ne sais pas si vous en avez entendu parler. L'expérience Opéra, mais c'est autre chose. Ça. Oui, c'est autre chose, mais effectivement, on se dit qu'ils voyagent avec la même vitesse que la lumière, donc naïvement, on pourrait s'attendre à ce qu'ils arrivent en même temps que la lumière, mais en fait, ce sont des processus qui ne se produisent pas au même moment dans l'explosion de l'étoile, et donc c'est la toute première libération d'énergie, quasiment, qui va venir des neutrinos, et qui va ensuite permettre le processus, donc c'est un processus assez compliqué. Il y a un effondrement du cœur de l'étoile sur lui-même avec des rebonds qui permettent de libérer l'énergie, puis après de façon séquentielle d'aller produire des éléments plus lourds et puis dans un scénario qui est complexe de produire ces éléments dans l'espace et puis de produire différents neutrinos. Alors je me souviens très bien qu'à cette époque, on parlait aussi beaucoup d'un autre problème qui était celui des neutrinos solaires. Vous l'avez rappelé, le Soleil émet des neutrinos, on peut les détecter en tout cas petite partie d'entre eux sur Terre, mais on en trouvait moins que ce qui était attendu d'après les calculs qu'on pouvait faire. Ce problème a duré 30 ans et il a été résolu. Comment, Stéphane Lavignac ? Eh bien, il a été résolu par une propriété des neutrinos que l'on appelle les oscillations, c'est-à-dire la propriété qu'un neutrino d'un certain type, par exemple un neutrino électronique, a de se transformer au cours de son déplacement dans un autre type de neutrino, comme un neutrino myonique ou un neutrino toïque. Alors l'histoire des neutrinos solaires est très ancienne, puisque c'est, je crois, dans les années 40, si je ne me trompe pas, que les physiciens ont pour la première fois proposé donc les réactions nucléaires comme source de l'énergie des étoiles. Et il y a eu ensuite un calcul du nombre de neutrinos qui étaient attendus sur Terre provenant des réactions de fusion thermonucléaire qui se passent au cœur du Soleil. Et une expérience pionnière, donc celle de l'Américain Ray Davis, située dans la mine de Homestake aux États-Unis, a entrepris de détecter ces neutrinos solaires. Il a publié ses premiers résultats à la fin des années 60 et il observait un tiers seulement des neutrinos qui étaient prédit par les modèles. Donc ça a soulevé de nombreuses questions. On pouvait se demander si les neutrinos solaires étaient corrects, s'ils produisaient bien le bon nombre de neutrinos qu'on aurait dû observer. On pouvait se demander, comme ce sont des expériences très difficiles, que la probabilité d'interaction des neutrinos est très faible, si les expériences ne s'étaient pas trompées. On pouvait accuser la théorie ou bien les détecteurs, en fait. On pouvait accuser la théorie ou l'expérience, effectivement. Et en fait, il y avait une troisième possibilité, c'était que aussi bien les modèles solaires et les expériences étaient correctes, mais c'était des propriétés des neutrinos qui expliquaient qu'on n'observait pas le nombre de neutrinos prédits. Puisqu'en fait, l'expérience de Ray Davis observait des neutrinos électroniques, donc le même type de neutrinos que ceux qui sont produits par le Soleil. Mais si ces neutrinos électroniques au cours de leur trajet du centre du Soleil vers la Terre, s'était transformé en une autre espèce de neutrino, par exemple en neutrino muonique, eh bien on ne les aurait pas détectés dans l'expérience de Homestake. C'est ce qu'on appelle les oscillations. Et il y a un nom qu'il faut citer pour les oscillations, c'est celui de l'Italien Bruno Pontecorvo, qui est un peu considéré comme le père des oscillations. Il a pensé en fait très tôt aux oscillations de neutrinos dès la fin des années 50, par analogie avec un autre processus qui était ce qu'on appelait les oscillations de Kaon neutre. Or les Kaons sont des particules qui ne font pas partie des constituants de la matière, hein, contrairement aux protons et aux neutrons, mais qui sont produits. Par exemple, si on bombarde une cible avec un faisceau de protons. Et le kaon neutre a la possibilité de se transformer en anti-kaon. Dans son antiparticule. Dans son antiparticule, au cours de son déplacement. Alors on appelle ça oscillation parce que c'est un processus qui est périodique. On a au départ, par exemple, un faisceau de kaon, et puis on va apparaître au cours du temps une petite proportion d'anti-kaon qui augmente, puis qui diminue, et ainsi de suite. Et donc, par analogie avec ça, Pontecorvo a imaginé qu'on pouvait avoir des oscillations neutrino-antineutrino. Et puis, quand on a découvert qu'il y avait une autre espèce de neutrino, les neutrinos muoniques, l'idée est venue que finalement, plutôt que d'avoir des oscillations entre neutrino et entre neutrino, on pouvait avoir des oscillations entre neutrino électronique et neutrino muonique. Et Pontecorvo s'est décidé à pousser vraiment cette idée lorsque on a connu donc les premiers résultats de l'expérience d'Homestake, ce déficit des neutrinos solaires, et il a proposé les oscillations comme solution du déficit des neutrinos solaires. Et alors, il a eu le prix Nobel pour ça ? Non, il n'a pas eu le prix Nobel parce que les physiciens sont très exigeants et avant de considérer qu'il a découvert, il faut qu'un certain nombre d'expériences aient vraiment montré un effet. Comme on l'a dit, il y avait d'autres raisons qui pouvaient expliquer qu'on n'observait pas le nombre de neutrinos solaires qui étaient attendus. Par exemple, les modèles solaires pourraient être incomplets. Et donc, il a fallu d'autres expériences. Il y a eu déjà plusieurs expériences qui ont confirmé les résultats de l'expérience d'Homestake, donc confirmé l'existence du déficit des neutrinos solaires. Mais toutes ces expériences étaient essentiellement sensibles aux neutrinos électroniques. Donc on pouvait dire qu'il y en avait moins que ce qui était attendu, mais on n'observait pas les neutrinos muoniques, par exemple, cathodiques, en lesquels ces neutrinos électroniques se seraient transformés. Voilà. D'après l'hypothèse de Pontecorvo. Et pour ça, il a fallu attendre l'expérience SNOW au Canada, qui est dans la mine de Sudbury au Canada. Cette expérience a été la première à pouvoir mesurer le nombre total de neutrinos qui provenaient du Soleil, indépendamment de leur type, qu'il s'agisse de neutrinos électroniques, muoniques ou toïques, et a trouvé un flux total de neutrinos qui était en accord avec la prédiction des modèles solaires. Donc cette expérience a à la fois confirmé les modèles solaires et confirmé l'hypothèse des oscillations. Et c'est ça qui a vraiment été considéré comme donc décisif. Si je comprends bien, les calculs étaient bons, les détecteurs fonctionnaient correctement, mais au cours du voyage, les neutrinos changeaient de nature. C'est exactement ça. Et donc le problème des neutrinos solaires a été résolu finalement. Le problème des neutrinos solaires a été résolu. France Culture, la conversation scientifique. Étienne Klein. Alors Antoine Kouchner, je ne l'ai pas dit en vous présentant, mais vous êtes responsable d'une expérience très importante, un télescope sous-marin qui essaie donc de détecter des neutrinos qui s'appelle Antares, qui est immergé dans la Méditerranée au large de Toulon. Et grâce à cette expérience, vous avez obtenu des résultats importants sur les neutrinos, mais aussi sur les cachalots qui sont dans cette mer Méditerranée et dont vous avez démontré qu'ils mangent à midi. Oui, c'est amusant. Je suis pas sûr qu'on ait fait une démonstration avec le niveau de significativité qu'on requiert en général en physique. Mais si j'ai bien compris les résultats qu'on a obtenus, c'est effectivement ce que les cachalots tentent à faire, c'est-à-dire plonger. Qu'est-ce que c'est que ce détecteur et en quoi concerne-t-il les cachalots ? Alors, il les concerne très indirectement, mais peut-être que je peux vous expliquer en rebondissant sur ce qu'a dit Stéphane à propos des neutrinos solaires, pourquoi on se met au fond de la mer. C'est vrai que la saga des neutrinos solaires a nécessité divers types de détecteurs pour que les auditeurs comprennent pourquoi les gens étaient quand même sceptiques au départ. La première détection de neutrinos solaires, c'était un mécanisme extrêmement complexe. C'était une expérience radiochimique où on était au fond d'une grotte, on regardait pas dans la direction du soleil, on se protégeait de la lumière du soleil et les neutrinos devaient transformer des atomes de chlore en atomes d'argon et eux, on devait les détecter quelques mois plus tard. Donc on était loin de faire une détection de ces neutrinos en temps réel. Alors, il fallait une analyse chimique de la cible. Voilà, il fallait une analyse chimique, extraire l'argon, etc. D'où effectivement beaucoup de scepticisme. Mais au fur et à mesure des années, des détecteurs se sont développés, et notamment reposant sur la technique Cherenkov, qui est celle qu'on utilise au fond des abysses, où l'idée, en gros, est de regarder la lumière qui est produite lorsqu'une particule chargée voyage dans le milieu plus vite que la vitesse de la lumière dans ce milieu. C'est possible parce que la vitesse de la lumière dans le milieu, c'est pas la vitesse de la lumière dans le vide, c'est cette vitesse divisée par l'indice de réfraction. Et donc quand une particule chargée voyage plus vite, elle crée par des processus un phénomène cohérent et on voit de la lumière dans le domaine visible avec ce qu'on appelle des photodétecteurs ou des photomultiplicateurs. Et donc pour regarder les neutrinos solaires, des très très grandes piscines avaient été installées dans des grottes. Alors, il y avait d'autres objectifs, mais enfin, ça a permis de le faire. Notamment l'expérience Kamiokande, puis Super Kamiokande. Au Japon. Au Japon, l'expérience Kamiokande qui a vu la supernova qu'on évoquait tout à l'heure. Et donc, on a très vite compris que pour regarder le ciel à plus haute énergie avec des neutrinos, un flux de neutrinos beaucoup plus faible, il fallait des détecteurs beaucoup plus grands que Super Kamiokande, qui est pourtant déjà 40 mètres de diamètre sur 40 mètres de hauteur. C'est une grosse piscine. C'est une énorme piscine, mais dans une grotte. Donc, on ne peut pas construire des piscines de 1 km sur 1 km dans une grotte. Ça coûte beaucoup trop cher. Et là, qu'on a pensé. Il y a des mers, il y a des océans. Voilà. Autant aller dans le milieu naturel. Essentiellement, là-bas, l'espace est infini, à condition qu'on soit capable de rapatrier les données et puis d'installer le détecteur dans les abysses. Alors, il faut être en profondeur, parce qu'on veut se protéger de ce bruit de fond atmosphérique qui est produit par le bombardement des rayons cosmiques dans l'atmosphère. Et donc on s'est dit, allons au fond des océans. Premier essai dans les années 80 ou disons aux États-Unis au large de Hawaï, qui n'a pas fonctionné. Il y a eu des fuites. Vous pouvez imaginer la difficulté d'instrumenter les abysses. Et nous, en Europe, on a essayé de continuer dans cette voie. Et c'est ainsi qu'Antares, le premier détecteur sous-marin de neutrinos a été installé avec 12 lignes de détection qui sont donc auxquelles sont harnachés des photomultiplicateurs et qui essayent de regarder cette lumière très ténue au fond de la mer. Donc les particules qui vont plus vite que la lumière dans le milieu, en l'occurrence l'eau, émettent de la lumière. Cette lumière a des propriétés qui dépendent de l'énergie de la particule. Et quand un neutrino traverse l'océan, qu'est-ce qui se passe alors? Quel est le phénomène que vous utilisez pour marquer sa trace? Donc en fait, il faut qu'il interagisse, qu'il se transforme en une particule chargée. Donc ça va être un muon, si c'était un neutrino muonique, par exemple. Et le muon va voyager dans le détecteur, engendrer cette lumière Cherenkov. Et nous, on détecte cette lumière Cherenkov, qui est un cône bien précis, effectivement. Et donc, on peut reconstruire la trajectoire de la particule incidente, le muon, qui est à peu près collinaire avec la trajectoire du neutrino incident. D'où l'idée de faire de l'astronomie et de pointer vers la source qu'a émis le neutrino. Mais les neutrinos que vous détectez, ils arrivent par le haut non. ou par le bas? C'est là la subtilité, c'est qu'on fait de l'astronomie en regardant à travers la Terre et on essaye de scruter le ciel qui est aux antipodes. Donc les neutrinos qui arrivent ont déjà traversé la Terre. Ils ont traversé la Terre sans interagir. Et il faut qu'ils aient le bon goût d'avoir interagi près du détecteur. Donc en fait, quand on se place dans l'hémisphère nord, comme on est en Méditerranée, eh bien on voit le ciel de l'hémisphère sud avec des neutrinos. Et c'est intéressant parce que dans l'hémisphère sud se situe le centre de notre galaxie, qui est potentiellement une source intéressante. Alors, vous m'interrogez sur les cachalots. Évidemment, c'était pas le but de départ, mais il se trouve que pour bien reconstruire la trajectoire de nos neutrinos, il faut qu'on sache où sont les détecteurs qui bougent. Hein. Nos lignes sont hautes de 500 mètres de haut, elles sont à 2500 mètres de fond dans la fosse de Porquerolles. Et comme elles bougent au gré des courants, il faut des systèmes d'étalonnage. Alors on utilise un système de triangulation acoustique qui nous permet, avec des hydrophones et des récepteurs, de savoir où se situent nos photomultiplicateurs à tel moment. Et donc c'est avec ces systèmes-là notamment qu'on peut écouter ce qui se passe au fond de la Méditerranée et donc entendre des bruits comme les bateaux, mais comme aussi les cétacés. Et donc on a eu effectivement une publication scientifique qui tend à montrer qu'à midi, il y a un pic d'activité parce qu'ils descendent se nourrir probablement. C'est tellement beau que ça donne envie d'écouter de la musique. Je propose qu'on écoute le morceau choisi par Stéphane Lavignac, Variation Diabelli de Beethoven. Stéphane Lavignac, vous aimez Beethoven ? Oui, comment avez-vous deviné ? Vous êtes mélomane, musicien peut-être ? Musicien, ça fait très longtemps que je n'ai pas joué de piano. Non, j'ai arrêté il y a très très longtemps, j'ai été trop conscient de mes limites. Oui, Beethoven, c'est un compositeur de qui je me sens très proche. Enfin, pas l'homme que je n'ai pas connu, bien sûr, mais sa musique en tout cas. Donc le choix, c'est essentiellement parce que j'aime sa musique. S'il fallait trouver un lien avec les neutrinos, avec la physique, on peut peut-être dire que c'est un compositeur un peu prométhéen, qui a un côté un petit peu prométhéen finalement. Et peut-être que c'est le lien finalement avec la physique ou avec la science en général, c'est-à-dire que essayer de percer le mystère, les lois de la nature, c'est peut-être un peu défier Dieu. Galilée l'a appris à ses dépens d'ailleurs. Et si on veut vraiment trouver un lien avec les neutrinos, on peut faire ce lien-là. Alors, on a parlé de plusieurs physiciens dont les noms sont directement associés à l'histoire, à la saga, comme vous dites, des neutrinos. Paoli, ce physicien autrichien, qui en a eu l'idée et dont il disait que le neutrino était l'enfant fou de la grande crise de sa vie, puisque dans les années 30, il traversait une crise personnelle assez grave. Il y a Pontecorvo, l'Italien, réfugié, enfin qui a quitté l'Occident pour l'Est parce qu'il était communiste et qui a fait cette prédiction que vous avez rappelée d'une oscillation possible entre les différentes sortes de neutrinos. Mais il y a un autre Italien qui s'appelle Enrico Majorana dont le nom reste accroché aussi à cette saga des neutrinos. Alors, quelles sont les questions qu'il a posées et qui sont encore aujourd'hui des questions ouvertes ? Ettore. Ettore Majorana, physicien qui a disparu à 31 ans. Oui, donc c'est effectivement quelqu'un d'assez exceptionnel. C'est un petit peu une météore dans la physique théorique des particules autour des années 30. C'est quelqu'un qui a fait partie du groupe d'Enrico Fermi dont on a parlé plus tôt, qui a eu beaucoup d'idées géniales, qui n'a pas toujours mis en avant ses travaux, qui avait une personnalité un petit peu particulière, un petit peu mystérieuse, un petit peu introvertie peut-être, et qui a disparu effectivement très jeune dans des circonstances qu'on ne connaît pas trop. Pour ce qui concerne les neutrinos, sa contribution principale, c'est d'avoir suggéré qu'une particule de matière, bon, les particules de matière qu'on connaît, c'est l'électron et les constituants des noyaux atomiques, une particule de matière pouvait être sa propre antiparticule si elle était neutre, si elle ne portait pas de charge électrique. Alors évidemment, pour une particule chargée, c'est impossible, puisque l'antiparticule a la même masse que la particule, mais elle a la charge électrique opposée. Donc le proton a une charge positive, donc l'antiproton a une charge négative, c'est pas la même chose. Exactement, l'antiproton a une charge négative, l'électron a pour antiparticule le positon qui a la charge opposée et donc... Vous dites positon ou d'autres disent positron, est-ce que c'est normé ça? Je crois qu'en français on dit positon. En français on dit positon, oui. Mais donc les deux sont corrects, je crois. On a suivi un petit peu cette convention dans le livre, mais dans le cas du neutrino qui est une particule neutre, son antiparticule est neutre aussi, il pourrait en principe être sa propre antiparticule. Et ça, c'est une question qui est toujours un mystère à l'heure actuelle et qu'on essaie de résoudre expérimentalement avec des expériences qui sont extrêmement difficiles à mener parce qu'il faut observer des désintégrations nucléaires extrêmement rares, ce qu'on appelle la double désintégration bêta sans émission de neutrinos. Donc qu'est-ce qu'une double désintégration bêta? C'est la survenue simultanée de deux désintégrations bêta dans le même noyau atomique, donc deux neutrons qui se transforment en deux protons, avec l'émission de deux électrons et de deux antineutrinos. Alors la particularité, c'est que si le neutrino est une particule de Majorana, donc identique à son antiparticule. Identique à son antiparticule. En plus de cette double désintégration bêta dans laquelle deux antineutrinos sont émis en plus des deux électrons, il y a la possibilité de ce qu'on appelle la double désintégration bêta sans émission de neutrinos, où il y a simplement deux électrons émis. C'est-à-dire les deux antineutrinos s'annihilent mutuellement. C'est ça. Donc l'annihilation se produit entre une particule et son antiparticule, mais si le neutrino est sa propre antiparticule, eh bien deux antineutrinos peuvent... Donc si je comprends bien ce que vous dites, Stéphane Lavignac, Majorana, ce physicien, dans les années 30, prédit que des particules neutres peuvent être leurs propres antiparticules. Et aujourd'hui, parmi les particules que nous connaissons, seul le neutrino est candidat à ce statut ambigu. Seul le neutrino est candidat effectivement à ce statut parmi les particules de matière. Alors il y a des particules qui sont pas des particules de matière. Le photon, par exemple, on sait que c'est qui est neutre. On sait que c'est sa propre antiparticule. Mais pour les particules de matière, vraiment, ce serait quelque chose d'absolument nouveau. Donc il y a beaucoup d'expériences dans le monde qui essaient de répondre à cette question. Et si un jour on démontre que le neutrino est en effet identique à son antiparticule, qu'est-ce que ça changerait dans la physique? Est-ce que ça changerait la théorie des particules élémentaires? Est-ce que ça répondrait à des questions qu'on se pose en cosmologie? Autour de la matière noire, par exemple? Oui, alors ça changerait pas mal de choses. Déjà, pour la physique des particules, on a dit que le neutrino avait une masse. S'il est sa propre antiparticule, pour expliquer sa masse, il faut faire appel à une extension de la théorie actuelle qui décrit les particules et leurs interactions. Et puis, il y a une nouveauté aussi, c'est que le nombre de neutrinos, si le neutrino de Majorana, ce nombre n'est plus conservé. Ou pour généraliser, disons, donc il y a des lois de conservation qui sont modifiées. Il y a des lois de conservation qui sont modifiées, et en particulier la conservation du nombre de particules moins d'antiparticules. Et ça, c'est très intéressant parce qu'il y a un mystère que l'on observe et que l'on ne sait pas expliquer, ni par la physique des particules, ni par la cosmologie. C'est le fait que l'univers est essentiellement constitué de matière. Les planètes, les étoiles, les galaxies sont essentiellement constituées de matière. Il n'y a quasiment pas d'antimatière. Et ça nécessite une explication particulière, puisque comme vous l'avez dit en introduction, initialement au moment du Big Bang, en partant d'un nombre égal de particules et d'antiparticules, des annihilations devraient avoir lieu, de telle sorte qu'à la fin, il ne resterait qu'une infime quantité de particules et d'antiparticules en nombre égal, et qui ne permettra pas d'expliquer toutes les structures qu'on observe dans l'univers, les étoiles, les galaxies, les amas de galaxies. Donc il faut un mécanisme particulier qui a créé un excès de matière sur l'antimatière. Et si les neutrinos étaient des particules de Majorana, c'est un scénario un peu spéculatif, mais qui est très séduisant, leur masse pourrait s'expliquer par l'existence d'une nouvelle espèce de neutrinos, des neutrinos très lourds, qui, en se désintégrant dans l'univers primordial, produiraient un nombre différent de leptons et d'antileptons. Donc une asymétrie matière-antimatière d'abord dans le secteur des leptons, c'est-à-dire en gros les électrons et les neutrinos, électrons, muons, tau et les neutrinos, qui se propageraient ensuite à l'ensemble des particules et des antiparticules. Donc on comprendrait pourquoi la matière l'a emporté sur l'antimatière dans l'univers primordial. On pourrait le comprendre grâce un peu mieux. Un peu mieux grâce à des neutrinos de Majorana. Mais le fait, Antoine Kouchner, que le neutrino ait une masse non nulle, ça a été démontré, mais elle est très faible par rapport aux masses des autres particules de matière, comme l'électron. Est-ce qu'on dit c'est comme ça, on ne s'interroge pas sur la façon dont une particule peut être aussi peu massive, ou est-ce qu'il y a des explications théoriques qui permettent de comprendre pourquoi le neutrino est si peu massif? C'est comme ça, effectivement. On ne connaît pas la masse exacte des neutrinos. Non, il y a des bornes. Il y a des bornes supérieures et puis évidemment inférieures. Bon, ça, c'est zéro. C'est zéro. Mais de toute manière, cette borne supérieure indique qu'on est un million de fois plus léger. Enfin, les neutrinos sont un million de fois plus légers que l'électron, qui est la particule stable, massive, la plus légère autre qu'on connaisse. Et effectivement, on ne se contente pas de se dire que c'est comme ça, on aimerait pouvoir l'expliquer. Et donc ça, c'est évidemment des travaux qui sont associés à l'explication de comment les neutrinos acquièrent leur masse et qui sont en lien avec ce que Stéphane a expliqué par des mécanismes, notamment qu'on appelle les mécanismes de la balançoire, qui permettent d'avoir des neutrinos légers et puis des neutrinos lourds d'autre part. Donc on est effectivement sur le domaine de l'infiniment petit, c'est un petit peu ce qu'on a essayé d'expliquer dans le livre. Les neutrinos peuvent nous informer à la fois sur le monde de l'infiniment petit, les lois fondamentales des constituants de la matière, et puis sur l'infiniment grand. Mais c'est la particule la plus nombreuse dans l'univers. Le problème, c'est qu'il est assez peu bavard, puisqu'il interagit très peu, et en même temps, on a l'impression que son statut est très bizarre par rapport à celui des autres particules, et si on le connaissait un peu mieux, on pourrait résoudre des questions de cosmologie. Oui. Alors, quels sont les résultats éventuels d'expériences en cours, Stéphane Avignat, qui vous intéressent le plus, qui répondraient à des questions de cosmologie, parce que j'ai dit en vous présentant que vous êtes un spécialiste de ces questions cosmologiques. J'ai parlé de la matière noire, est-ce que c'est un sujet qui vous intéresse? Oui, je ne travaille pas directement dessus. Une espèce de neutrino qui n'est pas les neutrinos que l'on connaît, mais qu'on appelle neutrino stérile, en raison de son absence d'interaction. Un neutrino stérile, donc... Stérile, ça veut dire qu'il interagit, lui, pas du tout avec la matière. Il n'interagit absolument pas avec la matière. Et un neutrino stérile plus lourd, en fait, que les neutrinos qu'on connaît, pourrait être un candidat pour la matière noire. C'est une possibilité. On peut peut-être rappeler ce qu'est la matière noire ? Alors, la matière noire, c'est une matière non lumineuse, enfin, qui n'émet pas de rayonnement électromagnétique, mais qui est nécessaire pour, dans le bilan énergétique de l'univers. On sait qu'elle doit être présente, d'une part donc pour le bilan énergétique, et aussi pour expliquer les courbes de rotation des galaxies qu'on observe. Mais on sait qu'elle n'est pas faite des particules que nous connaissons actuellement. On sait qu'elle n'est pas faite des particules que nous connaissons actuellement, puisque quantité de matière ordinaire présente dans la galaxie, on l'a observée d'une certaine manière. on sait l'estimer. On la mesure aussi indirectement à travers le fond diffus, les mesures de précision du fond diffus cosmologique. Et on sait qu'il n'y en a pas assez, tout simplement, pour expliquer cette fameuse masse manquante dont on a besoin dans les galaxies pour expliquer leur courbe de rotation. Et vous, Antoine Kouchner, vous êtes patient, ça vous l'avez dit à plusieurs reprises, mais qu'est-ce que vous attendez pour la suite? Je sais qu'Antares a déjà un successeur qui est en cours de conception, peut-être même d'installation, je ne sais pas. Oui, de construction, d'installation. Qui s'appelle KM3Net. KM3Net, KM3 pour kilomètre cube, parce que c'est la taille qu'on veut atteindre. Et donc c'est dans la même zone qu'Antares, au large de Toulon? Oui, en partie, ça se situe sur plusieurs sites, c'est aussi au sud de la Sicile. Il y aura un site en fait où on a un peu élargi l'éventail de ce qu'on souhaite faire avec ces détecteurs, puisqu'il y aura une partie, celle du sud de la Sicile, qui sera consacrée à étudier le ciel des neutrinos à haute énergie, puisque les neutrinos interagissant très peu, ils peuvent sonder le ciel sur des distances. Mais pourquoi la Sicile, hein? C'est en hommage à Majorana ou rien à voir? Si vous voulez le voir comme ça, pourquoi pas, mais disons que c'est un endroit approprié, on a exploré plusieurs sites et c'est un effort international, donc on a des collaborateurs italiens qui ont proposé ce site. Sur le site français, qui est celui d'Antares, où on a fait la démonstration de la faisabilité, on va mettre un détecteur plus dense et on va essayer de se concentrer sur l'étude des propriétés des neutrinos. Donc non plus pour regarder le ciel, mais pour comprendre justement plus en profondeur le mécanisme d'oscillation, parce qu'il y a des effets très subtils à l'intérieur de la Terre, lors du passage des neutrinos dans la Terre, puisqu'on a évoqué le fait qu'ils pouvaient traverser à travers la Terre, des mécanismes qu'on appelle des effets de matière, qui pourraient nous révéler l'ordonnancement des masses, puisqu'il y a trois espèces de neutrinos, trois masses différentes. On ne sait même pas quel est l'ordre de ces masses. Et c'est une question de domino. Si on apprend l'ordre, on peut avoir davantage d'informations sur d'autres paramètres pour aller jusqu'à ce que Stéphane souhaite obtenir peut-être la clé du mystère de la prévalence de la matière sur l'ordre. Est-ce qu'on connaît l'énergie maximale que peuvent avoir les neutrinos? Est-ce qu'on a identifié des sources dans le cosmos qui émettent des neutrinos de très très haute énergie? Alors Stéphane, oui, mais je pense qu'Antoine est plus expert que moi sur cette question. Oui, on a détecté, c'est ce que souhaite faire Antares, mais c'est pas Antares qui l'a fait, c'est le concurrent qui s'appelle IceCube, qui est dans la glace du pôle sud. Donc là, ils ont instrumenté l'épaisse couche de glace du pôle sud. Ce détecteur a déjà atteint une taille du kilomètre et ils ont observé des premiers neutrinos à l'énergie de 10 puissance 15 électronvolts, le PeV. Et donc c'est les premiers neutrinos qui sont d'origine extraterrestre, de très très haute énergie, qui pourraient, eux, fournir la clé du mystère qui est celui du rayonnement cosmique de ultra haute énergie, dont on pense qu'il est produit par des monstres cataclysmiques cosmiques comme des trous noirs ou des galaxies actives qui abritent des trous noirs en leur sein et qui peuvent produire des particules avec des énergies colossales. Et donc ça, c'est une des façons de résoudre éventuellement ce mystère-là avec l'astronomie des neutrinos. Je crois deviner à ce que vous dites que le neutrino aura d'autres prix Nobel. Je vous remercie d'abord d'être venus à la conversation scientifique, tous les deux, Stéphane Lavignac et Antoine Kouchner. Je recommande la lecture de votre livre « À la recherche des neutrinos » et je dis aux auditeurs à la semaine prochaine. C'était la conversation scientifique par Étienne Klein avec la collaboration de Thierry Beauchamp, à la technique Marie Lepeintre et à la réalisation Thomas Jost. Tout de suite, c'était dans quelques instants, vous retrouvez Christophe Onodibio pour le temps des écrivains.